Alléluia. Amen, amen. Non, je disais amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Ce qui me fait du bien, Ninjutu Mouibada Yaba jeune. Mais je vois les jeunes sont un peu timides. Est-ce que tu peux dire alléluia? Ah non, non, non, non, non. Nous allons déchirer le ciel aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut déchirer le ciel? Alléluia! Vous savez que les acclamations font partie aussi des actions de grâce. Et les cris de joie, ce n'est pas seulement les acclamations. Enfin. Il y a une chanson, je ne vais pas te demander de te tenir debout, mais une chanson qui me dit Oumona Yesu. Et les quignons, comme mon Aesu, et les quignons, comme mon Aesu, et les quignons, comme mon Angouya, nous allons le faire ensemble. Oh, alléluia. Non, non, fais-le bien. Avec conviction. Je m'attendais que tu puisses te tenir debout. Ah, est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu qui puisse se tenir debout? Oh, alléluia, comme mon Jésus et les guignons. Alléluia, comme mon Jésus et les guignons. Comme mon Jésus et les guignons. Comme mon Angouya. Oh, alléluia, comme mon Jésus et les guignons. Comme mon Jésus et les guignons. Comme mon Jésus et les guignons. Comme mon Angouya, yonso. Si, Naba Kombo, yonso, Awanase. Kombo, elle est qui est souhaitalité. Oh, Naba Kombo, yonso, Awanase. Kombo, elle est qui est souhaitalité. Nous allons les refaire ensemble. Oh, Naba Kombo, yonso, Awanase. Je n'ai jamais vu un nom comme celle de Dieu. On a pas comme Nyonso, Awanase, Lelele. Ah, y est pas comme yo, Omo, Kitoko, Tikana ye, Tikana weta mololo, mololo, mololo. Oh, y'a pas comme yo, Omo, Kitoko, Tikana ye, Mela. N'a pas comme Nyonso Awanase. Comme elle est qui est. Ah, y'a pas comme yo. Oui, comme tu t'as comme un yamou. Yo, tu canabis de la yébou. Comme Nyonso Awanase. Comme elle est qui est sualité. Oh, ma Christu, toi tambola. Tambola na yé solongo. Et pesaka et c'est. Il y a des jeunes enseignés. Biana to tambola, tambola na yo solongo. Epe saka esengo. Opa mama to tambola, tambola na yo solongo. Epe saka esengo. Ah, ye ma tambola. Tambola. Tambola. Tambola. Oliva. Tambola na yo su tambola, tambola. Tambola na yo su epe. Oh, y'a ma tambola, tambola, tambola, tambola, on y va, tambola, na Yesu tambola, tambola, oh tambola, tambola na Yesu epe sakare. Oh, na ligie, na ligie, na ligie, Yesu yo. Est-ce qu'il y a une personne qui peut m'aider à dire à son voisin, regarde ce que Dieu fait dans ma vie. Il est le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai jamais vu un Dieu comme lui. Oh, Naligie, Naligie, Naligie, Yesoyo. Dieu m'a revêtu de nouveaux chaussures. Ah, ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu fait que je puisse bien chanter. Ce n'est que la grâce de Dieu. Oh, Naligie, Naligie, Naligie, Yesoyo. O talandenge yo pambo linga, yeah yeah yeah yeah, yeah yeah so yo talandenge yo pongisika, o talandenge aseku singa, yo le le le le, yeah so yo, talandenge yo pongisika, o Atalandenge, Abamolina. Atalandenge, Abongisina. Est-ce que tu peux bien? Tout ce mouvement dans l'église est prophétique. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia. Otalandenge yo bongi singa. Yesoyo otalandenge yo bongi singa. Otalandenge apambolinga. Tu me fais du bien Seigneur. Yesoyo otalandenge yo bongi singa. Oh, Chomwama, Yesu Chomwama na yo. Oh, Chomwama, Yesu Chomwama na yo. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut danser? Qui est victorieux en ce lieu? La chose qui me fait du bien, je vois même les protocoles. Ils sont en train d'annoncer qu'ils sont des victorieux. Aïe aïe aïe aïe. What is seven? La danse des victorieux. Tigidi. Non, est-ce qu'on peut le refaire? 1, 2, 3, 5. Tigidi. Où sont les victorieux? 1, 2, 3. Ah, tigidi. C'est bon. 1, tigidi. Il est le roi de gloire. Alléluia. Tout a bien commencé jusqu'à ce qu'une personne refusa d'acclamer l'Éternel ce soir. Alléluia. J'ai pensé que acclamer pour le Seigneur. Maintenant, nous allons voir ceux-là qui n'ont pas refusé de danser pour le Seigneur. Nous continuons avec la louange pendant que la chorale Eagles avance. Nous les encourageons avec les acclamations. Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie pour le Seigneur? Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Allons-y. Molala, molala. Aïe. Bien à moi, mon cœur, bon à Jésus. kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hey hakuna ba Mokoti Yesu, ako kaninayo, mokote Shilo, ako kaninayo, mokote, ako kaninayo, e mokote Yahweh, mokote, mokote ako kanina masiya nanga, aleluya, lelele, mokote, ako kaninayo, e mokote Yahweh. Jésus, parmi tous les fils des hommes, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Non, non, non, non, non, non, non. Il n'y a personne comparable à Jésus. Oh, alléluia. Parmi tous les fils des hommes, oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Non, non, non, non, non, non, non. Moi je cherchais une personne, je fouillais par-ci par-là, j'ai tourné, tourné, tourné, tourné, tourné. Non, non, non, non, non, non, je cherchais une personne, je fouillais par-ci par-là, j'ai tourné, tourné, tourné, tourné. Une personne, je fouillais par-ci par-là. J'ai tourné, tourné, tourné, tourné, tourné. Il n'y a personne. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. C'est que je veux, c'est pousser les cris de joie. Acclame, acclame, acclame. Jésus, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux le louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, je veux le louer, je veux louer, je veux louer, je veux louer, finalement mon cœur bon à Jésus. Je veux, c'est pousser le cri de joie. C'est que je veux, c'est sauter pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Yeah. que ce programme ne s'achève, nous allons détecter les ennemis de la louange de l'Éternel. Avant que ce programme touche Tavumbula, les ennemis de la louange de l'Éternel, ceux-là qui privent, qui prennent de leurs mains, van en priver au monde. Nous n'allons pas louer avec nos mains, nous n'allons pas louer avec nos voix, nous n'allons pas danser pour l'Éternel. Avant que la semaine ne s'achève, nous allons détecter les ennemis de la louange. Mais je sais qu'au milieu de nous, il y a les gens qui ont l'esprit de David. Voilà pourquoi nous allons les voir dans leur façon d'acclamer le Seigneur et de pousser les cris de joie pour la gloire de l'Éternel ce soir. Ah, les David sont là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est là qui ne voient pas la royauté sur la tête, mais ils voient celui qui donne l'autorité. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. La génération de David, que le Seigneur vous bénisse. Alors pendant ces moments, nous allons travailler ensemble avec la technique. Si la technique elle est prête, la technique va nous balancer quelque chose pendant ces quelques moments. La technique. Bonjour, pour le jeune chrétien, les études et les ministères ne se posent pas ni se complètent, car la connaissance et la foi unie permettent de bien servir Dieu et d'impacter le monde. Tous ensemble, accueillons le rappeur du jour. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Je m'étonne par votre façon d'acclamer l'Éternel. Je n'ai pas dit acclamer pour nous. Alors, nous voulons prendre quelques minutes seulement d'adorer l'Éternel. Et avant que nous puissions tout d'abord passer à ces programmes, nous allons inviter le président David. Pendant qu'il avance, nous acclamons. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons passer à un moment très spécial. Tel qu'on a, vous avez suivi sur la vidéo, ce n'est pas une prédication, mais c'est une stratégie, c'est une information, c'est un enseignement, c'est un secret qu'on veut nous donner pendant 5 minutes. Et ces moments, nous allons les passer tout notre jour. Ça s'appelle Talk Show. Alors, aujourd'hui, il y a l'orateur qui va nous parler sur ces petits sujets pendant 5 minutes avant que nous passions à notre étape d'adoration. C'est le papa Kevin. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Aide-moi à acclamer très bien. Je suis sûr que ces acclamations étaient destinées au président David. Est-ce que tu peux me donner des acclamations pour le Seigneur? Ceci n'est pas ma prédication. On m'a dit que c'était un talk show. Amen. Je sais que dans les talk shows, nous avons besoin d'une certaine interactivité. Amen. Je vais prendre les quelques 5 minutes. Durant 3 minutes, je vais parler sur mon sujet rapidement. Et je vais prendre 2 minutes pour laisser le temps à ceux-là qui ont des questions pour poser. Amen, amen. Il m'a été demandé de parler sur un sujet très important. Et d'ailleurs, je remercie les comités parce que c'est un sujet que moi, sur lequel j'ai toujours martelé. Ceux-là qui sont proches de moi savent que pour moi, c'est très important. L'importance des études. Dis à ton voisin l'importance des études. Si tu as un carnet ou tu as ton téléphone quelque part, ouvre 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul parle à son fils Timothée. Pour ceux-là qui ne le savent pas, Timothée est un pasteur que l'apôtre Paul laisse à son église. Mais l'apport de l'apôtre Paul sur la formation de Timothée, qui était un pasteur jeune comme toi et moi, était très important parce que Timothée n'avait pas directement des racines juives. Timothée était à la fois grec, il était à la fois aussi juif. Mais seulement l'église que Timothée avait était une église constituée généralement des Grecs. Et lorsque l'apôtre Paul lui parle, l'apôtre Paul lui dit, apporte-moi aussi les manteaux que j'ai laissés à Troas, mais aussi principalement mes parchemins. Les parchemins, c'était quoi? Les parchemins, c'était les livres de l'époque. Ici, j'aimerais dire à une personne, ce qui avait fait de l'apôtre Paul, l'apôtre qui a influencé les récits bibliques, ce n'est pas parce qu'il avait l'onction, mais c'est parce qu'il avait étudié. Dis à ton voisin, il faut étudier. Et même lorsque l'apôtre est en prison, parce que lorsqu'il écrit à son fils Timothée, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée en étant en prison. Même en prison, l'apôtre Paul continuait d'étudier. Lorsque tu cesses d'étudier, tu cesses d'exister. Paul d'ailleurs est en train de dire, il dit, moi Paul je suis pharisien, je viens de l'école de Gamaliel, l'école des pharisiens mais des Gamaliel. Si aujourd'hui la Bible bénéficie de plus de 13 épîtres, 13 livres de l'apôtre Paul, c'est parce que l'apôtre Paul était instruit, c'est parce qu'il avait étudié. Lorsque tu es oint et lorsque tu es appelé, il y a toujours une différence entre un oint qui est bâti par la connaissance et par les études et un oint qui n'a pas étudié. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a une différence entre l'apôtre Paul et il y a une différence entre l'apôtre Pierre. Pierre a été aux côtés de Jésus. Mais ce qui nous empêche aujourd'hui de bénéficier des récits, de bénéficier des paroles bénissantes de l'apôtre Pierre, c'est parce que tout simplement il n'était pas instruit. La différence entre Pierre et Paul se situe au niveau de l'instruction. C'est lui qui est instruit à la capacité de répliquer ce qu'il a reçu venant de Dieu. Les études te permettent pas seulement que de connaître la science, mais ça te permet de te situer dans un autre niveau de connaissance par rapport à tes contemporains. Tu as besoin d'aller loin, étudie. Tu as besoin d'évoluer, étudie. Tu as besoin que le monde parle de toi, étudie. C'est la connaissance qui permettra à ce que le monde vienne te chercher. Le monde ne cherche pas que l'onction. Le monde a besoin des hommes qui savent s'appliquer dans certains domaines de leur vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mon temps est en train de passer, je prends une minute, je vais finir. Le deuxième exemple typique pour les études, c'est Daniel. Dis ensemble avec moi Daniel. Dis à ton voisin, sois comme Daniel. Daniel a existé dans 3 gouvernements babyloniens, pas parce qu'il avait l'onction. La Bible dit dans Daniel le chapitre 1 que Dieu avait donné à ces jeunes gens la capacité. Daniel le chapitre 1, le verset 17. Dieu avait donné à ces jeunes gens l'intelligence. Ils comprenaient toutes les sciences. Pourquoi? Parce que Dieu peut te donner l'intelligence, mais Dieu ne te donne pas la connaissance. L'intelligence, c'est la capacité d'acquérir la connaissance. Ah. L'intelligence, c'est la capacité d'aller chercher ce que tu ne connais pas encore. L'intelligence, c'est comme un réservoir. Il faut que tu puisses le remplir. Et ici, je prie pour une personne que Dieu vous donne l'intelligence dans le nom puissant de Jésus. Nous ne serons pas seulement une église qui va parler en langue, mais nous serons une église qui va donner des solutions dans les gouvernements. Daniel a été cherché, pas pour ricacabocher. Il a été recherché par les gouvernements babyloniens parce qu'il avait une science qu'aucun satrape, qu'aucun magicien ou qu'aucune autre personne ne détenait à son époque. Tu veux que ta famille puisse sortir de la pauvreté, tu veux que ta famille puisse être reconnue, cherche l'intelligence, cherche la science et le monde va parler de toi. Aide-moi à clamer pour le Seigneur. Je vais prendre rapidement 2 questions dans la salle. Tu as 2 questions qui te préoccupent. Et sûrement, je sais qu'ici, la plupart nous sommes des étudiants. Tu t'es dit, mais comment je vais combiner ces choses? j'ai du mal à combiner choses de Dieu et j'ai du mal à combiner les études. Tu as une question qui a trait à ce que je viens de dire. On a un micro baladeur quelque part. Je prends des questions et je vais remettre les micros. Si tu as la question, tu lèves ta main et on va venir vers toi. On a un frère ici. On peut le faire rapidement, s'il vous plaît. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Okay. Bonsoir à tous. Moi, c'est le bien-aimé Prince. Je suis jeune de l'église Source Féconde. En parlant de la connaissance et de l'intelligence, ma question est celle-ci. Je chercherai à comprendre, pour nous qui évoluons jeunes à l'école du Christ, la connaissance du monde et la connaissance de ce qui est spirituel. Si nous cherchons de combiner ces deux sciences là-bas, n'est-il pas dangereux ou compliqué d'un jeune chrétien de pouvoir emprunter le chemin de la connaissance de ce qui est physique et la connaissance de ce qui est spirituel, la nuance entre les deux? Comment est-ce que je pourrais m'en sortir lorsque je vais combiner les deux? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Je ne vous demande pas de créer un amalgame entre les deux. Ce que je vous dis, c'est que vous avez besoin d'acquérir une connaissance spécifique dans les domaines d'activité dans lesquels Dieu vous a appelé. Si Dieu vous a appelé à être dans le droit et à être, par exemple, juriste un jour, allez étudier, faites le droit. Ça va vous permettre de vous préparer par rapport à la destinée que vous avez reçue. Je vous ai parlé de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Avant qu'il puisse être converti pour être apôtre du Seigneur, il était pharisien, c'était son appel. Et lui-même, il précise, il dit, au-delà d'être pharisien, je suis parti à l'école de Gamaliel. Il était parti à l'école de Gamaliel parce que Gamaliel était un docteur de la loi, c'était un rabbin. Il est parti se spécialiser dans son domaine. Je ne vous dis pas de ramasser tout sur le chemin. Ce que je vous demande, c'est que adaptez votre appel aux études ou aux choses auxquelles Dieu vous a appelé. Votre spécificité vous permet d'être focalisé sur votre destinée. Ne touchez pas à n'importe quoi. Le monde est très dangereux. Touchez aux choses auxquelles Dieu vous a appelé. Comment on découvre la chose à laquelle Dieu nous a appelé? On découvre la chose à laquelle Dieu nous a appelé, c'est lorsque on y trouve plaisir. Lorsque je sens que je suis à l'aise dans un domaine spécifique, cela est un signe que j'ai été configuré. Ma destinée a été configurée par rapport à la chose. Que Dieu vous bénisse. Une deuxième question, je vais finir par là. On peut l'encourager, s'il vous plaît. La toute dernière, je vais finir par là. Tu lèves juste ta main droite et le très beau monsieur qui est là viendra vers vous. La toute dernière, et je vais remettre le micro, on va finir par là. Il y a un frère juste là. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Aaron. Bonsoir, prophète. Bonsoir, frère Aaron. Voilà, ma question est celle-ci. Déjà que quand nous prenons ce qui se passe en fait en RDC, la plupart des jeunes n'arrivent pas en fait à étudier. Il y a un manque d'études dans notre milieu ici en RDC. Mm. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à toutes ces personnes qui n'ont pas pu étudier, qui n'ont pas eu une certaine connaissance dans les domaines où ils voulaient évoluer. Okay. Les conseils que vous pouvez en fait donner à ces personnes-là pour qu'eux aussi, à la longue, puissent être peut-être comme vous ou quelqu'un qui a reçu une certaine connaissance. Je sens que ça vous tient à cœur. Apparemment, c'est un problème que vous avez fait face, n'est-ce pas? Pas vraiment. Vous avez fait face à ce genre de problème? Ah, ou vous avez voulu faire quelque chose et le pays ne vous a pas permis de les faire? Il y a des choses que je veux faire. Par exemple, sentez-vous à l'aise? Je veux que vous aidez. Non, à vrai dire, c'est que j'étudie, j'ai fait l'université, je suis à la Polytechnique, mais en dehors de tout ça, il y a des choses personnelles que j'aimerais en fait apprendre. Mais faute peut-être de moyens et faute d'un certain nombre de choses, je n'ai pas pu les faire. Ok. J'ai été dans les mêmes cas que vous. J'ai à peu près 5 diplômes. J'ai un diplôme de droit. J'avais fait le droit parce que les études que je voulais faire en RDC n'existaient pas. Tu comprends? J'ai compris que si je devais rester là figé, attendre l'opportunité d'aller faire les études à l'étranger, ça allait me prendre plus de temps que prévu. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai commencé à m'instruire seul. Lorsque j'ai fini mes études en droit, dans l'année 2017, ici à Mivouka, j'ai un diplôme en droit. Je suis parti à l'étranger, j'étudiais moi-même avec YouTube. Ça, c'est mon expérience. Et lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai voulu commencer à travailler. Je n'ai jamais présenté mon diplôme de droit pour être pris. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans en Afrique du Sud, dans une entreprise des médias et des communications, sans avoir un diplôme des médias et des communications. J'apprenais grâce à YouTube. Ça m'a donné une expérience dans mon domaine que j'avais voulu. Aujourd'hui, si tu veux apprendre, le monde a déjà beaucoup évolué. Tu n'as pas besoin d'être dans une université quelconque. Parmi tous mes 5 diplômes, 2 diplômes que j'ai en ce moment, je les ai reçus en étant sur un banc. Les 3 qui restent, je les ai eus en ligne en train d'étudier. Le monde a déjà beaucoup évolué. Aujourd'hui, tu peux aller sur YouTube, par exemple, sur Show Academy. Tu payes $30, par exemple, et tu as la possibilité d'avoir un diplôme qui vient de l'Angleterre. Moi, je l'ai fait. Il y a des endroits comme EDX. Ce sont des endroits qui regroupent pour vous des universités en ligne que vous étudiez à temps partiel, en ligne, selon ton programme, en payant des faibles coûts, moins même que l'université en RDC. C'est plus question de se connecter. Sois connecté, mène des recherches et tu verras qu'aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux tout apprendre. Je suis la preuve qu'on peut étudier en étant homme de Dieu. Tu peux avoir 5 diplômes, avoir un doctorat en théologie sans pour autant bouger et en étant en train de travailler quelque part. C'est très possible. Si tu veux, à la fin, je peux toujours t'aider et Dieu va nous faire grâce. Est-ce qu'on peut S'il n'y a pas une dernière question, je finis par ici, j'ai fait une petite prière, j'ai prié pour, et nous clôturons cette partie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Ok. Tu vas m'aider à toucher ton cœur? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, il est écrit que c'est toi qui donnes l'intelligence. La Bible dit que c'est lui qui n'a pas de l'intelligence qu'il en demande. À Dieu qui en donne sans mesure. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour apprendre dans les domaines où tu m'as appelé. Élève ta voix et commence à prier. Nous voulons passer un bon moment d'adoration. Elle est là, elle a accepté de venir vraiment participer avec nous. C'est une sœur qui chante bien, elle sert Dieu. En tout cas, et pendant que son équipe s'installe, nous l'invitons. Et pendant qu'elle s'avance, est-ce que nous pouvons les encourager? Est-ce que tu peux bien les encourager? Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a les jeunes ici? Amen. Est-ce qu'on peut prendre une minute? On va seulement acclamer le Seigneur. Non, on recommence, on recommence. Je me demande pourquoi tu es encore assis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a les mamans en ces lieux? Je n'ai pas encore entendu. Ce que moi je sais, c'est que là où il y a les jeunes, il y a la force. Est-ce qu'on peut bien le faire cet après-midi? Est-ce que par tes acclamations, tu peux ouvrir ton ciel là où tu es? Je n'ai pas encore entendu, ne sommes pas encore arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Moi, je sais une chose. Là où il y a les jeunes, en tout cas, il y a la force. Amen. Nous sommes ici dans la présence de Dieu et c'est une activité des jeunes. J'aimerais qu'on acclame bien. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Mais ce n'est pas ta façon d'acclamer que cela va se passer. Tu peux être en train d'acclamer et en train de dire quelques mots au Seigneur. Je ne sais pas ce qui est en train de monter dans ton cœur. Ce soir, tu acclames. Tu es en train de rendre les paroles à Dieu. Tu acclames, tu es en train de parler. Tu acclames, tu es en train d'adresser une prière au Seigneur. Acclame et commence à parler. Tu acclames et tu parles à Dieu. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Jusqu'à ce que ton atmosphère change. Tu acclames et tu parles à Dieu. Tu acclames et tu parles à Dieu. Tu acclames et tu parles à Dieu. Je le sens, il est en train de venir. Tu acclames et tu parles à Dieu. Si tu sens que tu dois pousser les cris de joie, tu les fais. Si tu sens que tu peux marcher, tu les fais. Mais tout ce que je veux, c'est que quelque chose se passe. Tout ce que je veux, c'est que quelque chose commence. Est-ce que tu parles à Dieu ce soir? Tu acclames et tu parles à Dieu. Tu acclames et tu parles à Dieu. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Est-ce que tu l'es fait? Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu en ces lieux. La présence de Dieu en ces lieux. Est-ce que tu peux maintenant commencer à l'adorer ce soir? Je n'entends pas. Est-ce que tu ouvres ton cœur? Toi-même, tu connais ce que ton Dieu vaut. Nous ne sommes pas ici dans un spectacle, mais nous sommes ici dans la présence de Dieu. Est-ce que tu adores le Seigneur? Tu adores le Seigneur ce soir. Parle au Seigneur. Alléluia. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Par ton amour, les vagues, les vents viendront. Moi, je demeure. Commence à graver ces paroles dans ton cœur ce soir. Ah, tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu arabashata la mania. Elia suparia da gaya bashi lega, haramani asuparia lega dosh. Ila supeke telia masovas, rakima tu Italia sumene bene talusa. Rakite la sumanie shakala baba baba. Oh, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je tire. Avec toi, même si, yeah, come on, il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Est-ce que tu peux être connecté? Moi, je lève mes mains, je te donne, Seigneur. Même si les mers. Alléluia. Alléluia. tu le déclares, Yonde. Yonde, Zambalo. Tu y es, Yonde. Yonde, Zambalo. Come on, tu le déclares, Yonde. Yonde, Zambalo. Tu y es, Jésus. Yonde, Zambalo. Et je finis en disant ceci. Le roi fait son entrée. Tu le confesses. Yes. Est-ce que je le fais avec toi? Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. De la même manière que tu chantes, il est fait dans ta vie. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu viens de faire ton entrée. Seigneur, ce carrefour de jeunes n'est pas seulement un moment où nous allons venir pour t'écouter. Nous prions, Seigneur, que les ciels restent ouverts. Seigneur, nous prions aujourd'hui mercredi jusqu'à dimanche. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur, guéris les cœurs qui ont besoin de la restauration. Seigneur, guéris les gens qui sont en quête, Seigneur, de la guérison. Seigneur, cet instant, nous prions que les anges, Père Dieu Tout-Puissant, qui marchent, Père, pour la transformation, pour l'ouverture de nouvelles saisons. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'ils sont en train d'ériger domicile ici sur cette église dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous chassons les esprits de distraction, les esprits de perturbation. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta présence. Ce que nous voulons, c'est que tu marches avec nous. Nous consacrons ces instants parce que tu marches avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié en acclamant. Je disais en acclamant. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer pour les jeunes? Je disais, est-ce qu'un jeune peut acclamer pour le Seigneur? Attendez, je vais vous motiver à acclamer. Est-ce que vous savez, derrière les déclenchements de chaque saison et dimension prophétique, c'est un geste prophétique très banal. Pour que Jéricho puisse tomber et que Israël puisse conquérir une nouvelle terre, il faut que Jéricho puisse subir les bruits mitendo ya kelele. Les juifs ya wayuda. Cette fois mara saba. Et pendant cette tour na mazunguko. Dieu wakati Mungu veut faire tomber anapenda kuangusha une forteresse basi tena uwezo fula et faire entrer son peuple na kuingisha taifa dans une nouvelle dimension. Dani atua mpya il demande de poser des gestes prophétiques anaomba kutilia tendo ya kinabii. Est-ce que tes acclamations peuvent être les gestes prophétiques? Eti mashangilio inawezi kuwa ya kinabii. Je disais, est-ce que ça peut être les gestes prophétiques de ton élévation? Oh! Est-ce que des jeunes élevés? Je n'ai pas vu un jeune élevé. Est-ce qu'un jeune élevé peut me donner les meilleurs gestes? Alors que tu acclames pour oh, le Seigneur, Jéricho est en train de tomber. Jéricho est en train de tomber. J'ai dit Jéricho est en train de tomber. Jéricho est en train de tomber. Les liens qui avaient réclamé tes parents, qui avaient réclamé ta famille. Dans ta famille, il y a comme une certaine chronologie d'événements qui touchent tout le monde. À cause de tes acclamations, les murs tombent dans le nom de Jésus. Oh oui, Dieu. C'est que ton père n'avait pas su traverser. À cause de tes acclamations, à cause de tes bruits, que ça tombe au nom de Dieu. Je dis que ça tombe au nom de Dieu. C'est que ta mère n'avait pas su vaincre. À cause de tes acclamations, les murs de Jéricho, les murs de Jéricho, les murs de la stérilité, les murs de la pauvreté, les murs de diplômes, les murs de CV, les emplois, ça tombe au nom de Jésus ce soir. De la même manière que tu es en train de faire du bruit, je prie que ce soit un signe de ton enfantement. J'ai entendu dans mes oreilles. J'ai entendu dans mes oreilles. Saison d'enfantement. J'ai entendu saison d'enfantement. Que 10 personnes dans cette assemblée enfantent leur bénédiction dans le nom de Jésus. Que 10 personnes dans cette assemblée enfantent leur élévation dans le nom de Jésus. Je me tiens comme prophète sur l'onction de Papa Désiré. Je déclare dans cette assemblée la saison. La saison des femmes qui ne mettaient pas au monde vient de tomber dans les noms puissants de Jésus. Dieu de gloire. Dieu de ce quoi? N'est pas seulement que pour la jeunesse. J'ai prié pour l'église sur ce fait. La saison wakati, les femmes qui n'enfantaient pas elles viennent de tomber dans le nom puissant de Jésus. Salut ton voisin, dis-lui bienvenue dans la saison d'enfantement. Non, salue-le très bien. Alors que Dieu est en train de les saluer, tu es en train de les saluer. Président David, David, dans les choses spirituelles, ce ne sont pas les femmes qui vont à la maternité. Les premiers hommes qui avaient mis au monde n'étaient pas du genre féminin. Ils étaient du genre masculin. Adam était dans une maternité dans son sommeil. Dieu l'avait pris. Et il avait tiré Ève. C'est l'une de ses côtes. Et le matin, il s'est retrouvé. Il était à la maternité. Et Ève était venue au monde. Eva alizali kwa. Je prie pour toi. La nuit d'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Tu vas enfanter quelque chose qui sera à la base de ta bénédiction. Si tu me donnes le meilleur des amen, on n'a pas taille. Si tu me donnes le meilleur des amen, on n'a pas amen. Ce que tu cherches, n'est pas chez les voisins. Aina kubajirani. Ce que tu cherches est dans ton ventre. Iko mutumbo yako. Ton ventre est la maternité de ta tumbo yako ni tumbo ya zalio ujio wako. Wow. On va aller rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu tenda kwa raka sana kati. Tu te rassois, salue ton voisin encore. Mekala na unasalimia jirani wako. Dis-lui bienvenue au Carrefour des jeunes. C'est ma karibu tena mu imakutano ya vijana. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Nasema asante kwa Mungu kwa hii fadhili. Pour moi me retrouver devant vous c'est la grâce de Dieu. Amen. Kwa kwangu kujikuta mbele yenu ni neema tu ya Mungu. Est-ce que les jeunes peuvent me donner un bon amen? Amen. Et aussi mes remerciements. Na asante tena. Se tourne vers papa Désiré. Inageukia kwa baba Désiré. Lorsque j'étais au bureau, wakati nilikuwa ndani ya ofisi, j'étais en train de dire, nilikuwa nasema, à l'ancien Christian et au président David, na rais David, j'ai dit l'une des particularités de papa Désiré, na kisema tena umoja wa baba Désiré, c'est que c'est un papa qui sait reconnaître les grâces. Ni baba mwenye anajua kuyua manema. Il ne le fait pas par complaisance, il le fait par révélation. Asifanye tu kwa kuona lakini anefanya kupitia tena funuo. Sentez-vous salué? Baba msalimiwe basi. Honoré. Mujisikie kuheshimiwa. Nous remercions le Seigneur. Tunabariki Bwana. Parce que vous êtes une bénédiction pour notre kwa maana mnakuwa baraka kwa ajili ya kizazi yetu. Est-ce que tu peux honorer la présence de Baba? Tunaweza kuheshimisha uwepo wa Baba. Mes remerciements aussi se tournent vers le département de la jeunesse de l'église Source Féconde. Asante yangu na geuka tena kikosi ya vijana Chemchem Lazaro. Le président David, l'ancien Rais David, l'ancien Christian. Na mzee Christian. Merci de nous reconduire. Asante tena kwa kutuita. Et aussi à l'homme de Dieu Joy, il m'a dit qu'il était empêché aujourd'hui. Mwenye aliniambia kusema amezuizwa leo. Je crois que nous serons avec lui. Nafikiria tutakuwa pamoja naye. Et aussi je bénis les gens qui m'ont accompagné. Nabariki tena watu wenye walinisindikiza. Sentez-vous salué. Basi msalimiwe nani. Et aussi je te remercie toi qui es assis. Nakupikia asante na wewe ushakuikala. Tu es très beau. Unakuwa mzuri zaidi. Ici il y a que les hommes beaux qui m'ont dit amen. Amen. Je l'ai dit le dimanche à quelqu'un, j'ai dit nilisema mjumana mtu, la Bible n'est pas contre la beauté. Nasema Bible ina kinyume na urembo. La Bible a dit plusieurs fois que David était un jeune homme beau de visage. Bible inasema Daudi alikuwa tena kijana mzuri kwa uso. Même ses adversaires, son adversaire le plus farouche Goliath. Wake tena Goliath. Lui aussi quand il l'avait vu, na wakati alimuona, la première chose qu'il avait vu c'était la beauté. Kitu kya kwanza aliona ni urembo wake. J'ai dit tu es beau. Nasema uko mzuri. J'ai dit tu es belle. Nasema uko mzuri. J'ai dit tu es une merveilleuse créature. Et j'ai pris qu'à la fin de ces carrefours, Dieu va amplifier cette beauté dans le nom puissant de Jésus. Oui, il y a des lotions qui sont plus que l'hydroquinone. Posez la question à Moïse, il vous dira que lorsqu'il descendait du Sinaï, son visage était en train de briller. Pas à cause de l'hydroquinone, mais à cause de la visitation divine. Je vois des visages briller d'ici dimanche. D'ici dimanche, les masques vont tomber dans les noms puissants de Jésus. Tu passais dans des endroits. Ne le pita pas ma fâche. Ton CV était rejeté. CV à Kobari tout pas. Tu échoues la même promotion plusieurs fois. On a shindwa mara nyingi zaidi. Non, il y a des masques qui doivent tomber. Hapana kuna bintu binapasha kuondoka. Les masques de la réjection. Kuna pasha bintu bile binakuwa na tupi. Ici à l'église source féconde. Hapa ku kanisa cha mtu. Ça n'a pas de place dans le nom puissant de Jésus. Abina na fashi mujina la Yesu. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Les versets 11 au verset 18. Je vais prêcher mon message rapidement parce que j'ai besoin de prier pour une catégorie de personnes. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu un mukubwa kuliko baba yetu Abraham? Qui nous a donné ses puits? Mwenye alituchimbulia ikishima. Et qui en a bu lui-même? Na mwenyewe alikunya kwa imaji. Ainsi que ses fils et ses troupeaux. Na watoto wake pia na makondo zake. Jésus lui répondit. Basi Kristo kamjibia. Quiconque boit de cette eau. Yoyote atakunya kwa imaji. Aura encore soif. Atakuwa tena na kiu. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. On finit par ces versets. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Honore les Saintes Écritures par tes acclamations. Shangilia tena usomeho. Vous savez, ici, je vais toucher un point très important sur ces grands thèmes que nous avons. Je vais parler des choses qui amplifient et qui permettent à ce que nous vivons les miracles. Donne-moi un bon amen. Amina. Je vais parler aujourd'hui d'une chose, peut-être j'aurai l'opportunité de parler de la deuxième prochainement. Lorsqu'un homme veut vivre une vie constante, une vie remarquée, une vie démarquée par les surnaturels, cette personne doit avoir des secrets, des attitudes qui permettent ou qui favorisent les miraculeux dans son quotidien. Et la première chose que je vais parler, ça s'appelle la soif. Dis à ton voisin la soif. La soif. Même celui qui ne t'a pas regardé, dis-lui la soif. La soif. Est-ce que vous savez que la soif spirituelle est l'élément déclencheur de toute nouvelle marche spirituelle? Lorsque un homme veut commencer une nouvelle marche avec Dieu, une marche caractérisée par la puissance, une marche caractérisée par la transformation, l'élément déclencheur, ça s'appelle la soif. Lorsque une génération perd la soif, cette génération perd les miracles. Donne-moi un bon amen. Amen. La femme qui perdait le sang est un exemple. Ce n'est pas Jésus qui avait prévu d'arrêter l'effusion de sang. C'est sa soif qui a conditionné sa guérison. Écoutez, il y a des événements dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui les déclenche. C'est notre soif qui déclenche. Lorsque tu viens wakati unakucha, dans une famille ndani ya jamaa mule, vous êtes conditionné unakuwa na masharti à une fille kumaisha moya, que vous ne savez pas expliquer. Yenye amujua hata kusungumuzia. Le premier pas basi tamko ya kwa sortir kwa ya kutoka de cette chose, ndani ya ile atu, c'est la soif. Inakuwa ni lorsque tu n'as pas la soif, wakati unana ki, tu ne peux pas changer les choses. Hauwezi kubadilisha bintu. Amen. Source féconde, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez besoin de sortir de cette répétition des événements, les répétitions des maladies, les répétitions des échecs, ayez la soif de vivre la paix de Dieu. Ayez la soif. Comprennent tout à cette génération. Mais qu'on n'arrache pas sa soif. Lakini bashi nyanganya kiu. Notre soif, kiu yetu, c'est le pont inakuwa tena ni entre nous kati yetu et la visitation divine. Na upegulivu wa c'est ça le pont. Ni ile tena kitlalo. Des fois le diable, mara ingine bilisi, lorsqu'il t'attaque, wakati anakuchambulia, il ne vise pas ta vie. Ashi angalia maisha yako. Il vise ta soif. Eko nangaria kiu yako. Ta soif. Kiu. C'est la clé que tu as besoin. Inakuwa tena funguo yenye Mungu lazimisha. Pour changer les choses. Kwa ajili ya kubadilisha bintu. Est-ce que je peux parler à un jeune qui est venu pour changer l'histoire et de sa famille? Est-ce que je peux parler à une génération et qui est assoiffée de faire des grandes choses avec Dieu? David est devenu roi. Daoud a kakuwa mfalme. Parce qu'il avait seulement l'onction. Aina tu kwa dile kwa na pako. Parce qu'il avait soif. Lakini kwa dile kwa na ki. Changer l'histoire. Ya kupadilisha adui ya. Lorsque les autres sont en train de fuir Goliath. Wengine wanakimbia Goliath. Lui il avait soif. Yeye alikuwa na kiu. D'amener la paix dans son pays. Akuleta amani qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée de Dieu? Moi j'ai coupé la tête. Votre soif crée le courage de faire ce que les autres n'ont pas suffi. C'est lorsque on a soif de la transformation qu'on déclenche directement l'énergie et le courage de faire ce que nos pères n'ont pas su faire. Est-ce que je peux parler à la génération des femmes et des hommes courageux? Le géant qui a tué ton père, basi mtu mwenye aliua baba yako, il doit s'arrêter par ici. Anapasha kusimamia. Moi j'ai la soif. Mie niko na kiu. De faire ce que mon père n'a pas su faire. Ya kufanya bile baba yangu asikuweza kufanya. Moi j'ai la soif. Mie niko na kiu. D'amener l'évangile dans ma famille. Ya kupeleka injili mjamaa. Ils ne font plus progresser. Hawawezi kusonga. Moi ma soif. Mie na kiu. Nous allons amener Dieu dans notre maison. Tutamuleta Mungu ndani ya nchi yetu. Je prie pour quelqu'un. Que ta soif soit récompensée dans les noms puissants. Jérémie le chapitre 29 le verset 13. Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Mungu anasema na Jérémie. Il dit anasema, vous me chercherez. Mutanitafuta. Et vous me trouverez. Na mutanipata. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mukinitafuta na mioyo yenu yote. La clé pour trouver Dieu. Fungulo kwa ajili ya kumpata Mungu. C'est la soif. Ni kiu. De le rencontrer. Ya kukutana naye. Quelqu'un qui a soif, mutu mwenye anakuwa na kiu, il est caractérisé par un comportement. Ana ainishwa na tabia mwa fulani. Quelqu'un qui a soif, mutu mwenye na kiu, est une personne constante. Ni mutu mwenye anakuwa mustare. Même si vous l'insultez, yana songa. C'est-à-dire vous les calomniez. Muna mushimanga yana endelea. Quelqu'un qui a soif, mwenye na kiu, est focalisé sur son objectif. Amejikazisha kushaba yake. Tu veux voir un homme qui a soif? On appelle quoi le mutu mwenye na kiu? Regarde le niveau de sa concentration sur son objectif. Ah, je peux pour quelqu'un. On ne va pas te déconcentrer sur ton objectif. Oh oui. Dieu permettra que tu sois fixé sur la promesse qu'il t'avait donnée. Tu ne vas pas t'éloigner ni à gauche ni à droite de ce que Dieu a prévu pour toi. Mutu mwenye na kiu, il est loyal. Anakuwa tena mwaminifu. Tu sais pourquoi tu n'es pas loyal? Unajua jani niona mwaminifu? C'est parce que tu n'as pas soif. Ni kwa ajili tu unakosa na hiyo kiu. Tu as soif. Wa mkwiki tu na kiu. Tu ne convoites pas n'importe quoi. Utamanie kitu yoyote. Tu sais pourquoi tu tombes dans les péchés? Unajua sababu kwa unaanguka mzambi? C'est parce que tu n'as pas soif. Ni kwa ajili unashindwa na kiu. Lorsque tu as soif. Wakati uko na kiu. De faire ce que les autres n'ont pas su faire. Kufanya yenye wengine hawakuweza. Tu restes loyal. Unabakia mwaminifu. Sur les principes divins. Kwa kanuni ya kimungu. Et même sur tes propres principes. Na hata tena kwa kanuni yako binafsi. La soif kiu te fait sortir même du chemin de la compromission. La soif kiu, c'est la soif de garder Dieu. Ni kiu ya kumchunga Mungu qui poussa Joseph yenye alimtuma Yusufu à laisser sa tunique kwa kuacha tena dans les bras de la femme de Potiphar. C'était la soif mtone ya Potiphar, ni kiu de garder le Dieu qu'il avait appelé. Mwangalie Mungu mwenye alimuita. Où est partie ta soif? Wapi kiu yako imeenda? Pourquoi est-ce que tu ne vis pas la main de Dieu? Kwa nini eti tu ne vis pas la main de Dieu? Parce que ta soif est partie depuis longtemps. Il enda tangia zamani. Tu sais, lorsque tu marches dans les chemins de Dieu, wakati unatembea njia ya Mungu, on peut même mentir sur toi. Mais moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. Lorsque une personne est went, wakati mtu mpakaliwa, vous pouvez même créer un dossier sur munaweza hata kupanga shauri mbaya juu yake. Vous pouvez même avoir les preuves sur vous. Les preuves. Lakini bile bionyesho. Ne sont pas signes. Aina tena akiki. Que ce que vous dites est vrai. Kwa yenye mnasema kama ni kweli. Le diable est un expert. Shetani yeye ni mkalamushi. En fabrication de fausses preuves. Mukuonesha tena bionyesho bya bongo. Oui. Tio. La robe de Joseph. Basi kuo ya Yusuf. Dans les mains de la femme de Potiphar. Mumikono ya mke wa Potifari. N'est pas une preuve. Iyo aina kionesho. Que Joseph est un impudique. Kusema Yusuf ni msharati. Oui. Tio. Toutes les preuves ne sont pas vraies. Bionesho biote na dabo. Tirez attention avec les preuves. Kepeni ange na maone. On peut vous donner les preuves. Banaweza mipa kionesho. Alors que l'histoire n'est pas vraie. Lakini ile hadithi ina ya kweli. J'ai pris pour un juste ici. J'ai pris pour un assoiffé. Na omba kwa mwenye na kuwa na kiu. Si même on avait présenté des fausses preuves. Kama walionesha tena mabionesho ya Mungu. Pour qui tu as soif. Mungu loko naye kiu. Justifie dans le nom puissant de Jésus. Akusemele mujina la Yesu. Lorsque on est assoiffé. Wakati tuko wenye kiu. Et Dieu. Mungu. On n'a pas d'avocat. Atuna na mwenye naweza kutusambia. Un assoiffé de Dieu, mwenye anakuwa na kiu ya Mungu. Il n'a qu'un seul avocat. Anakuwa na utetezi moya bule. C'est son Dieu, son créateur. Ni Mungu wake mumbaji. Oui, lorsque tu as Dieu, wakati uko na Mungu, tu n'as pas besoin de te défendre. Au lazimisha kukutetea. Laisse le Dieu qui t'a appelé. Acha Mungu la rikuta. Créer les moyens de défense. Akuya na manamna kukutetea. Est-ce que vous savez? Eti munajua. Que jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo, en Égypte. Mwimistri. On sait que Joseph est un violeur. Wanayua Yusuf kama ni msharati. La femme de Potiphar. Muke wa Potiphar. Jusqu'à aujourd'hui. Mpaka leo. Elle a la tunique de Joseph. Eko na ile nguo ya Yusufu. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Ni nini ile Mungu sasa anafanya? Dieu. Mungu n'est pas entré dans les débats. Asikuingia tena ndani ile masumuzo ya. Pour le justifier. Kwa ajili ya kumtilia haki. Dieu a fait une chose. Mungu akafanya kitu. Il a élevé Joseph. Akamuinua tu. Des fois, oh mara ingine. La justification divine. Uwaki wa kimungu. Vient par l'élévation. Iko na kuya mkunyanyuliwa. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Eti niko nasema. Des fois, lorsqu'on t'accuse faussement, mara ingine wakati wanakuchongea Dieu n'entre pas dans les débats. Mungu ashingie mwile masemo. Dieu te prend. Mungu anakubeba. Et il t'élève. Na anakuinua. L'élévation. Kuinuliwa. Fait oublier les fausses accusations. Inafanya kusabu maumamu kuchongelewa kwa Dieu. J'ai pris que ça te touche dans le nom puissant de Jésus. Niko na ombatele kutumilike mjina la Yesu. Si on t'a accusé faussement. Kama bari kuchongea dia pongo. J'ai pris que Dieu t'élève. Inaomba Mungu akuinue. Oui. Dieu. Lorsqu'on accusait Jésus, qu'est-ce que Dieu a fait? Wakati alichongea Mungu nini Yesu Yesu. Il n'est pas entré dans les débats. Asikuingia ndani ya ile masomo. Il a pris. Akabeba. Il a élevé. Akamuinua. Il lui a donné un nom. Na akampatia na jina juu ya majina yote. C'est ça notre Dieu. Ni ule Mungu wetu. Je sens que je dois parler à cette catégorie de personnes. Naweza kusema na hii aina ya watu. Tu as fait marcher dans la droiture. Ulitembea munyorokevu. Au ya beba kitu cha Mungu. Tu n'as jamais pris quelque chose d'autrui. Tu t'es retrouvé. Lakini unajikuta. On t'a cité dans des histoires. Bana kutaya mwile mambo. On t'a pointé du doigt. Bana kushonta. J'ai pris pour toi. Miko naomba. Mungu akukumbuke dans le nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Ah. Chie. Nous. Nous, on n'a pas question de se défendre. Nous, nous sommes de cette génération que Dieu a conduit la bouche. Lorsque tu m'attaques, ce n'est pas moi que tu attaques. Lorsque tu m'accuses, ce n'est pas moi que tu accuses. Nous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous avons un défenseur. La Bible dit Jésus-Christ, notre avocat, assis à la droite de la gloire du Père, en train de nous défendre. Président Christian, Monsieur Christian, l'erreur de Job, c'était qu'il était né à la mauvaise époque. Au mauvais moment. Si Job était né après la venue du Christ, on n'allait pas tout lui arracher. Parce que lorsque le diable va l'accuser au ciel, il arrive à la droite du Père. Il n'y avait personne. C'est pour ça qu'il a accusé facilement. Mais nous, nous sommes plus que Job. Parce que lorsque le diable veut nous accuser dans les conseils des fils de Dieu, il y a Yeshua Mashiach. Aïe aïe. Oh Dieu de gloire. Lorsqu'il veut parler, Jésus montre ses meurtrices. Par ses meurtrices, nous sommes sauvés. Par ses meurtrices, nous sommes guéris. Qui accusera les justes de Dieu? Oh, je parle à quelqu'un. L'accusation tombe. Parce que Jésus te défend. L'erreur de Job. Oh. Yobu. C'est qu'à la droite de Dieu, il n'y avait personne. Je vais revenir dans mon message. Je vais revenir dans mon message. Tiens d'abord ton voisin dans la main. Dis-lui les fausses accusations tombent dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens ici, on a détruit vos réputations. Dieu me l'est dit. On t'a cité dans des choses. Ta propre famille t'a cité dans des choses. Tiens ton voisin dans la main. Dis-lui les fausses accusations et les faux témoignages tombent dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, ce que j'aime, lorsque on a la soif de Dieu, la soif précipite la mort. Donne-moi un bon amen. Amen. Jean le chapitre 19, le verset 28. Jésus-Christ est à la croix. Il veut rendre l'âme. Il sort sa dernière parole. Il dit quoi? C'est là-bas. J'ai soif. Et lorsque il dit que j'ai soif, on lui donne du vinaigre, il boit et il meurt. Vous savez, lorsque vous avez soif, des fois, Mungu fera en sorte que vous ayez soif de lui pour amener les gens à créer les événements de persécution contre vous. Des fois, Dieu permet la soif pour que les hommes vous trahissent, vous rejettent, vous laissent partir. Parce que après leur réjection, après qu'ils vont vous laisser partir, Dieu va vous récupérer afin de créer votre miracle. Si Jésus n'a pas soif, il ne va pas mourir. Et si Jésus ne meurt pas, il n'y aura pas de résurrection. Des fois, votre miracle est caché dans la réjection des hommes. Laisse qu'on te rejette. Laisse qu'on t'oublie. C'est ça la stratégie de Dieu pour créer son miracle dans ta vie. Si Jésus ne meurt pas, il ne va pas ressusciter après trois jours. Et s'il ne ressuscite pas après trois jours, il n'y aura pas de gloire. Des fois, hein, ta soif amène les gens à te faire du mal. Parce que ces mal-là, c'est une prophétie qui te permettra d'accomplir des choses que personne n'a jamais accomplies. Joseph a dit à ses frères, Yusuf na sema na nduku zake, vous m'avez souhaité le mal. Muli ni taira juu ya mabaya. Mais Dieu, lakini Mungu, l'a changé. Akaibadilisha. En bien. Kwa mema. Des fois lorsqu'on te fait du mal, c'est une prophétie. Ni utabiri. Où Dieu, kule Mungu, travaille ta destinée. Anapenda tena kutuma mkesho yako. Ubache makutesu. Laisse-le te maqueter. Laisse-le te insulter. Laisse-le t'oublier. C'est une prophétie. Iyo ni utabiri. Demain tu as un témoignage. Kesho una ushuda. Iyo kupeleka kukizazi yako. C'est ça. Ce que Dieu veut accomplir. Wakati Mungu anapenda timiza. Une destinée. Utie fula. Il ne regarde pas l'âge. Ashangari yake miaka. C'est ça. Joseph n'a pas été rejeté à l'âge de 30 ans. Yusuf wa skutupa kumiaka talasini. Il a été rejeté à l'âge de 18 ans. Alitupwa mumiaka makumi na. Lorsque votre destinée est grande. Wakati Dieu yenu ni mkubwa. Mtakuya na bibimo binene. Vous aurez de grandes preuves. Lorsque vous avez de grandes destinées. Wakati uko na Dieu kubwa. Vous aurez de grands combats. Kutakuwa mavita mkubwa. Lorsque vous avez une grande soif. Wakati Dieu wako ni una kiu ni kubwa. Vous aurez de grands combats. Utakuwa na mavita kubwa nao pia. Moi, je ne suis pas n'importe qui dans cette génération. Shina muntu yoyote mwikizazi. Moi, j'ai la soif. Miniko na ile kiu. Parce que Dieu m'a fait montrer. Kwa maana Mungu alinionyesha. C'est moi qui fais garder ma famille. Kusema ni mimi mitengisha kizazi. Si je suis combattu. Kama niko napiganishwa. C'est parce que j'ai la soif. Ni kwa ajili niko na kiu. La soif de la délivrance de kiu ya fungulivu ya wazazi wangu. La soif de la délivrance de kiu ya fungulivu ya baduku yangu. La soif de la délivrance de mon quartier. Kiu ya fungulivu ya taa ya fazi na ka. Ma soif. Kiu. Crée mes combats. Inakuwa naleta mavita. C'est ça. Regarde ton voisin. Mwangalie jirani wako. Dis-lui. Mwambie. Dieu récompense ta soif. Mungu ajibu kukiu yako. Vous savez? Mnajua? Lorsque wakati Jésus a soif. Yesu Kristo alikuwa na kiu. Au lieu qu'on lui donne de l'eau. Pahali wampatie na maji. On lui donne le vinaigre. Wakampa tena vinyo. Big Marlene, c'est ça le monde. Le monde big. Ni ile ulimwengu. Lorsqu'il te voit dans un problème, wakati wanakuona ndani ya tatizo, il vient t'enfoncer dans ton banakuya juu kukuingisha tena chini sana. Ce n'est pas le diable. Ule aina ibilisi. C'est Dieu. Ni Mungu. Des fois, mara nyingine, Dieu Mungu orchestre les événements. Hein, anakuwa anafanya tena mauti. Pour que aucun homme kwa ajili kusikua hata mtu puisse dire, apate kusema, c'est moi ni mie qui l'avait tiré de là. Mwenye alimutosha mule. Des fois Dieu permet. Mara nyingine Mungu anaruhusu. Tu t'enfonces dans un problème. Wakati wanakuingisha mume. Que lorsque tu vas en sortir. Kwa ajili wakati utatoka. Que ni ton père. Kushukua hata baba yako. Ni ta mère. Hata mama yako. Ne puisse dire. Apate kusema. Ça c'était à cause de moi. Hii ni juu yangu ndio anakuya vile. C'est ça. Des fois Dieu. Mara nyingine Mungu. Fait qu'on puisse dire. Et qu'on apenda basi. Ça. Hii. C'est le doigt de Dieu. Ni utukufu. Lorsque tu as des problèmes et qu'il n'y a personne pour t'aider. Ni vile kama una mambo hakuna mtu anaweza kusaidia. Ni alama. Que le monde te donne le vinaigre. Kusema ulimwengu inakupa tena vinaigre. Vinyo. Precipite ta mort. Inakuwa na harikisha kifo yako. Mais ça favorise. Lakini inaleta fadhili. Ton miracle. Kumiujiza yako. Ni ile vinyo. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire. Wakati mimi nakuanzaweza kusema. Dieu. Mungu. Anikalaka sa mwenye film. Il est comme l'acteur. Lorsque vous suivez le film, vous allez voir que le principal du film, il a toujours des adversaires que tout le monde n'a pas. Dieu n'aime pas les petites choses. Dieu n'aime pas les petits combats. Parce que lorsque tu vas sortir, tu vas dire, ah, ça c'était moi. Ça c'était mon argent. Ça c'était ma tante. Dieu aime les grands combats. Parce que lorsque tu vas sortir, tu vas dire, ça là, c'était Dieu qui m'a aidé. Ni Mungu mwenye alitosha. Sala. Hii. C'était la bénédiction de Dieu. Ilikuwa ni baraka ya Mungu. Sala. Hii. C'était la présence de Dieu. Ilikuwa ni uwepo wa Mungu. Oh, je parle aux hommes qui ont des combats compliqués. Niko nasema na watu beko na mavita yangu. Vos combats sont compliqués. Vile mavita ya nguvu. Parce que votre miracle est aussi grand. Kwa miujiza yenu ni mkubwa. C'est ça. Laissez-nous les combats compliqués. Laissez-nous les combats compliqués. Les combats compliqués. C'est le domaine préféré de Dieu. Dieu aime les choses compliquées. Ta maladie est compliquée. Magonjwa yako ni ya nguvu. Parce que ton Dieu aime les choses compliquées. Mungu anapenda vitu vya nguvu. Tu te dis, penda kusema, tous mes amis. Marafiki zote. Les a tous pris au travers sauf moi. Sauf moi. Il a tout mis. C'est parce que toi. Dieu ne veut pas te donner un travail. Non. Dieu veut te donner un témoignage. C'est ça. Je vais finir par ici. Anne n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle cherche l'enfant pendant longtemps, n'est-ce pas? Penina en a combien? Plusieurs, n'est-ce pas? Penina faisait quoi? Rien à remoucher, n'est-ce pas? Penina, n'est-ce pas? C'est moqué de Mungu, hein? C'est ça les choses de Mungu, Dieu. Lui, il fait que les gens puissent se moquer de toi. Pour que notre soif puisse encore augmenter. Dieu, des fois, il laisse Penina nous insulter. Parce que papa, si Penina ne nous insulte pas, notre soif ne va pas grandir. Insultez-nous. Ça nous motive à prier. Ça nous motive à craindre Dieu. Ça nous motive à venir à l'église. Mortifiez-moi, mortifiez-moi. Oh, ce sont des apéritifs. Mais vous à chercher Dieu. Penina, elle a plusieurs enfants. Mais lorsque Dieu, lorsque Dieu donne à Anne, il ne donne pas à Anne un enfant. Dieu donne à Anne un prophète. Mungu anamupa Anna munabi. Penina a des enfants. Penina yeye kona batoto. Mais Anne a un prophète. Lakini Anna yeye kona nabi. C'est ça notre différence. Ni ile tofauti wetu. La quantité basi wingi n'est pas égale à la qualité. Aina ainisho. Lorsque un homme wakati mtu est dans la soif de Dieu. Ekona kiu ya Mungu. Et lorsque Dieu fait le bénir. Na wakati Mungu anapenda mbali. Dieu ne lui donne pas la quantité. Mungu asimupe wingi. Dieu lui donne la qualité. Mungu anamupa ainisho. Et Samuel. Oh Samuel moya. N'est pas égal à 10 enfants de Penina. Anakuwa tena moja na watoto 10 wa Penina. Oh je prie pour quelqu'un. Niko naomba juu ya Mungu. C'est que tu vas recevoir. Ye ndio utapokea. C'est que tu vas enfanter. Ye pas égal aux choses de tes adversaires. Les enfants de Penina n'ont pas de livres dans la Bible qui ont leur nom. Oui. Les enfants de Penina, Penina, on ne les cite pas dans la Bible. Yake Biblia, mais l'enfant de Anne, lakini mutoto wa Anna, il a deux livres. Oh, ikona bitabu, et Samuel, Samuel ya kwanza, et Samuel. Na Samuel wa pili. C'est que la soif peut enfanter nous permet d'entrer dans l'histoire. Oh, kukuingisha ndani ya hadithi. Oh, hey, yeah, yeah, yeah. Je sens la folie de la ni soif ite, ce soir. Na mazimu je dis, Nasema, la soif enfant, ça écrit l'histoire. C'est ce que ça. Tu vas recevoir ce soir. Ça va t'aider à écrire l'histoire de ta famille. Ce que tu vas recevoir ce soir, ça va t'aider à écrire l'histoire de ta famille. Ce que tu vas recevoir ce soir, va t'aider à sortir ta famille de la honte. Reçois cela au nom de Dieu. Reçois cela sur ta maison, au nom de Dieu. Reçois cela sur tes études, au nom de Dieu. C'est ça l'histoire de la soif. Un homme qui a la soif. Dieu lui donne un stylo. Dieu lui donne un cahier. Et Dieu lui dit, écris ton histoire. Écris ton histoire. Si ton père n'a pas laissé d'histoire, soit à cause de ta soif, ta soif va écrire une histoire. C'est ça. Wow. Oh oui. Peut-être que tu es comme Gédéon. Tu t'es dit ma famille est la plus petite. Ma famille est la plus maudite. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Voilà. Oui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un vaillant guerrier. C'est ça. Wow. J'ai dit à un jeune, ne te fois pas tel que tu es. Ne te fois pas à cause de ta condition. Que ta condition actuelle ne change pas ta vision de ta vie qui doit venir. Toi que je vois là, tu es un pasteur. Je dis, tu es un pasteur. Tu es un prophète. Tu es un DG. Tu es un grand journaliste. Tu es un grand entrepreneur. Ne te regarde pas. Sur ta condition. Ne te regarde pas ta condition. Tu peux te moquer de moi. Unaweza kunidhihaki. Moi David. Mie Daudi. Tu peux te moquer de moi. Unaweza kunicheka. Mais ma soif. Lakini kiu yangu. Demain. Kesho. Fera en sorte. Itafanya. Je serai le premier roi de ma tribu. Nikuye mfalme wa kwanza. C'est ça. Wow. Les gens qui ont la soif. Bantu bale bekona ki. Permettent. Bekona rusu. De repositionner. Kurudisha les prophéties ratées de leur famille. Mauna bitena yenye rusa mkutama yapo. Dieu avait promis Mungu ari la tribu de Juda que c'est eux qui auront la royauté. Dieu avait juré par la bouche de Jacob que le sceptre de commandement n'allait pas s'éloigner de Juda. Lorsqu'on veut mettre le premier roi, le premier roi n'est pas venu de Juda. Il est venu de Benjamin. Un petit garçon qui avait la soif de changer la prophétie, d'accomplir la prophétie. Il est parti, il a travaillé, il a été courageux. Et à partir de lui, sa tribu, la tribu de Juda, a accompli la prophétie. Qui avait raté, Je parle sur les gens qui ont des prophéties On t'avait prophétisé que tu iras. On avait dit que tu vas faire des grandes choses. On avait prophétisé ta famille. Mais la prophétie n'était pas arrivée. J'ai pris pour toi. À cause de ta soif. Que la prophétie puisse s'aligner en offrant de Jésus. Tiens-toi debout. Shimama. Wow. J'ai besoin de prier. Pour une génération assoiffée. Il dit que Alikasi ne provient pas des choses qui ont de valeur. Moi, ma soif. Ma soif. Va changer l'histoire. Quelqu'un qui veut changer l'histoire ne donne pas ce genre d'amen. Je vais faire un appel rapidement. Je vais prier pour vous. Tu sens que tu dois changer l'histoire de ta famille, l'histoire de ta génération. Tu sens que Dieu doit te donner une nouvelle soif de marcher avec lui, de le chercher, de le servir, d'accomplir des choses que personne n'a jamais fait. On a les yeux fermés. Tu lèves ta main droite. Si tu te sens concerné, tu lèves ta main droite. Le Seigneur est bon. Wow. Sa fin me suffit. Cette soif n'est pas suffisante. Intensifie. Ce feu ne me suffit. Ta main gauche élevée. Kono ako ashoto iko yulu. Ta main droite. Kono ako ame. Est sur ton cœur. Na pa moyo wako naweka mkono. Intensifie. On a les yeux fermés. Macho yetu yakufunga. Père Dieu de grâce. Baba Mungu mwenye neema. Je prie pour cette génération. Niko naomba Dieu ya kizazi. Seigneur, augmente leur soif. Bazizidisha kiu yao. La soif de te chercher. Kiu ya kukutafuta. La soif de marcher sur ton chemin. Kiu ya kutembea mutia. Tu nous as appelés pour des choses glorieuses. Tu takupitu bien utukufu. Seigneur, mais nous savons. Bwana lakini que le chemin s'appelle notre soif. Kusema Dieu inapata inapacha kwa na kiu. Seigneur, augmente la soif, Seigneur. Zidisha kiu. La soif, Seigneur, pour te chercher. La soif pour te servir. La soif pour accomplir des grandes choses. Seigneur, donne-nous la soif. Commence à prier. Monte dans la prière. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif n'est pas suffisante. Monte dans la prière. Intensifie. Dis à Dieu. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif n'est pas suffisante. Jésus, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif n'est pas suffisante. Intensifie. Dis à Dieu d'augmenter la soif. Peut-être que tu avais rétrogradé. Cette soif n'est pas suffisante. Je vais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Il y a des gens ici. Le diable t'a frappé par les découragements. Tu t'es découragé pour servir Dieu. Tu étais même sur le point à quoi tu avais amour. Parce que les événements qui se sont suivis dans ta vie ont été à la base de ces découragements là. Tu as connu échec après échec. Et ta soif s'est diluée. On a les yeux fermés, s'il vous plaît. Lève juste ta main droite. Si tu fais partie de ces personnes, lève ta main droite. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, Buana, il est écrit, Antico, si nous confessons de la bouche et nous croyons de notre cœur, nous allons parvenir au salut. Seigneur, leur main est une confession et leur présence éternelle est Dieu est une croyance. Seigneur, j'ai prié pour eux. S'ils avaient fait 10 pas en arrière, j'ai prié que tu leur donnes la soif d'en faire 20 à partir d'aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ils ne vont plus reculer. Seigneur, leur soif, Seigneur, ne sera pas diluée. Seigneur, aujourd'hui, ils acceptent une nouvelle marche avec toi. Que les diables qui les ont empêchés d'avoir coup à tes choses, à ton œuvre, ils tombent dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, dominez avec Jésus. À partir de maintenant, aspirez avec Jésus. À partir de maintenant, allez régner avec Jésus. Dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donne-moi toute l'honneur, s'il te plaît. J'ai vu une grâce sur toi. Quand j'ai parlé de la soif, je te vois avoir la soif pour l'œuvre de Dieu ici dans cette église. Mais Dieu me dit ceci. Je vais te faire entrer dans une nouvelle saison. Je te vois. Dieu te faire grâce très jeune. Faire des choses que personne n'a jamais su faire. Dans cette vie, même dans ta famille. J'ai vu Dieu te bénir très sensiblement. Regarde-moi. Prie pour ton cœur. Président Christian, j'ai vu Dieu les bénir très jeune. J'étais d'accord. Le 9 septembre. Ah, Shangeli Athena. 9 septembre. Je te donne cette parole juste pour t'aider à croire que Dieu ne s'est pas trompé. Moi, je ne connais pas une personne bénie dans cette salle comme Papa Désiré. Papa Désiré va te bénir. Mais rappelle-toi, qu'est-ce que j'ai dit? Prie pour ton cœur. J'ai vu l'abondance venir très tôt dans ta vie. Mais prie pour ton cœur. Ce que Dieu va te donner en étant très jeune. Parce que je suis en train de voir, malgré que tu es jeune, parmi les choses qu'on a chiara mouro ya ko, tu as toujours pensé faire des choses où tu réunis les gens, les musiciens qui n'ont pas de moyens. Tu as toujours dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais créer un label. Ça sera un label où je vais prendre plusieurs instrumentistes, plusieurs musiciens pour qu'ils puissent te servir. Dieu me dit, c'est pour ça qu'il se souvient de toi. Amen. Parce que ce que tu avais eu dans ton cœur, ce n'était pas qu'une envie, c'était une prophétie. Amen. C'est pour ça que Dieu va te bénir. Amen. Va chez papa, il va te bénir. Faites-moi acclamer pour le Seigneur. Que le même Dieu qui se souvient de lui, il se souvienne aussi de toi. Même en étant jeune, la bénédiction ne va pas te rater. Oh, je disais, même en étant jeune, la bénédiction ne va pas te rater. Même en étant petit, la bénédiction ne va pas te rater. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Venez. Je vous ai déjà prophétisé. Chaka kumita biria. Quand ça? Oh, vous n'étiez pas là. J'avais donné votre nom, mais vous n'étiez pas là. J'ai la journée du samedi pour prophétiser et la journée des dimanches. On va prophétiser plusieurs personnes. Parce que même à cause de ce que vous avez fait ici, l'Esprit de Dieu m'amène les 14 et les 15. Il y a un complot que Dieu a déjoué Moule Moubalabala. Parce que vous alliez célébrer des mariages ces deux jours-là. Je vois Dieu déjouer un complot sur la route. Vous alliez célébrer un mariage, mais le diable voulait créer un accident précisément là, entre un camion et les véhicules des mariés. C'était pour mettre la honte sur cette église. Et on allait pointer l'église pour dire, vous voyez ce qu'ils ont fait. Mais Dieu se souvient de vous. À cause de l'organisation de ces temps, cette chose ne va pas arriver. Il est culte à qui s'afflique au nom de Jésus. D'ailleurs, je vois un monsieur qui quitte de Kolwezi, qui vient de Kamoa. Anatoka Kamoa. Il vient ici anakuya apa pour se marier. Kwa ajili ya kuoa. Pour confier. Pour kuabo. C'est tellement élevé. On voulait l'attaquer précisément le jour de son mariage. Mais Dieu est avec lui. J'ai vu le Dieu de Papa Désiré être avec lui. Je vois la femme avec qui il veut se marier. Et on a Njina Sayak. Njina Moya Baluba. Un nom comme de Luba. Elle s'appelle comment? Dega quoi? Hein? Monga. Hein? Je dis, j'ai vu Njina Moya Baluba. Parce que nous, on a beaucoup vu qu'on a eu un toka Kubaluba. Je vois un combat. Pas seulement que Dieu la préserve. Mungu Amuchu. Mais aussi. Pour convivre pour le faire comme foi à mon mariage. Le combat qui devrait lui suivre dans le Dieu les détruit. Mungu a arrivé. Que ces carrefours déchèvent. Vous n'avez pas prévu un mariage. Vous en avez prévu deux. Vous n'avez prévu deux. Il y a deux mariages sur ces deux dates. Dieu est avec vous. Dites aux mariés de faire une action de grâce à papa. Dieu va les préserver. Et Dieu va les faire grâce. Si vous avez l'opportunité de les faire venir, faites-les venir les samedis. On va prier pour eux et Dieu va leur faire grâce. C'est bon? Missouri. Je vois beaucoup de Français. Hein. Vous aimez les podcasts? C'est votre domaine. Je suis un Français à Minisan. Et j'ai vu, un podcast. C'est pour ça que je vous ai tenu à la main. Maintenant, ça, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Dieu m'avait dit que si je vous pose la question, vous n'allez pas savoir me répondre. C'est pour ça que je vous pose cette question. Il fasse selon sa volonté. Mais la saison d'abord pour vous d'être ici, c'est celle-ci. Vous avez encore beaucoup à puiser aux côtés de papa. Je ne sais pas comment vous allez le faire. La dame que j'ai cité, les noms s'appelait comment? Monga. Vous vous appelez comment? Oui, parce que je voyais une connexion de noms. Je voyais les mêmes anges qu'il a visité. C'est les mêmes anges. Il venait avec deux colis. C'était écrit. La première, c'était la dame que j'ai citée et vous. Dieu se souvient de vous. Maintenant, tu fais, tu me changes chez Kaj. Voilà, tu me pandis chez Kaj. Quand je change le travail ou pas. Mais si ça change, ça sera à Kolwezi. Je me donne un jour à une heure. Nous allons faire 2h30. Vous allez commencer à faire 2h30. Parce qu'en réalité, l'année prochaine, bien affaire, nous fumerions un jour à Kamoa. C'est ce que moi je veux. Mais est-ce que vous allez rester fidèle ici? Et tu t'abattes moi, mais n'y pas. Vous êtes devant une terre sainte. Ce sont des engagements que vous prenez. La parole que vous venez de ternir ici, Dieu l'écrit et Dieu la sait. Papa va vous bénir et ça va arriver. Oh. Sanglia. J'ai encore du temps. J'ai encore 2 jours. Je sens que cette semaine, ça sera très chaud. Dis à ton voisin, ça sera très chaud. Dis à ton voisin, ça sera très chaud. La Bible dit, vos fils prophétiseront. C'est le rôle des fils de prophétiser. Pas seulement que Dieu va libérer la parole prophétique, mais Dieu va amener l'onction prophétique sur les jeunes. Avant qu'on ne soit le dimanche, j'ai dit, j'ai vu l'onction prophétique tomber sur les jeunes de la source féconde. Tu me donnes un amen, l'onction te localise. Mets ta main sur ton cœur, c'est la dernière prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour continuer jusqu'à dimanche. Prie dans le nom puissant de Jésus. Soki opa sole linga lola ekolo bolo nino zambe na ngayo zambe na ngayo soto pasole linga lola ekolo bolo nino zambe na ngayo ce soir. Nous passons très rapidement au programme de la jeunesse. Notre carrefour continue. Demain, nous sommes encore là à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Et toute la semaine, nous continuons toujours avec le programme de carrefour des jeunes. Tout ce que nous allons vous demander, que ne venez pas seul demain, invitez au moins une ou deux personnes pourvu que le Seigneur puisse nous visiter tous ensemble. Alors pendant ces moments, nous invitons notre papa. Pour la suite, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer très fort pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le frère, le prophète Kevin. J'ai beaucoup de témoignages. Je parle souvent avec son père spirituel. Avec le pasteur Joseph, nous parlons de beaucoup de choses. Et dans les beaucoup de choses là, nous parlons aussi de lui. Il est loyal. Il est fidèle à son église. Et les portes s'ouvrent de plus en plus. C'est vraiment un exemple. Ok, carrefour des jeunes ne signifie pas seulement les jeunes. Moi personnellement, j'étais suffisamment béni en venant. Je sais que je fais des allers-retours tous les jours. Mais je me débrouille pour être là. C'est fatigant dans le corps, mais je sais que j'étais très béni ce soir. Que Dieu te bénisse. J'ai quitté Lubumbashi à 16 heures presque passées. Mais voilà, je suis là et je suis béni. Donc, je demande à tous ceux qui ne sont pas venus. Ils ont tort de ne pas venir. Il faut venir. Bien, mais chaque occasion que nous avons pour être dans la présence de Dieu, c'est une opportunité de changer l'histoire de ta vie. D'écrire même l'histoire de ta vie. Et les jeunes doivent être en mouvement. Pour inviter, pour évangéliser. Ça, c'est le moment où vous devez faire ce travail. Pour que ça soit rempli de jeunes. Ce n'est pas tellement le nombre. Mais c'est le bien que vous allez leur faire qui est très important. Parce que les messages que je viens d'entendre. Bien-aimés, je ne dis pas que c'est des jeux, c'est des messages très, très importants. Alors, demain, donnons-nous tous rendez-vous à 16h30. Débrouillons-nous dans nos programmes. Soyons là. Et les jeunes, et les personnes âgées, et les personnes moins âgées. Nous tous soyons là pour écouter les oracles de l'Éternel. Ce sont des choses qui vont changer notre vie. Il a dit quelque chose d'important. Les choses qui amplifient ton miracle. Il a parlé d'une des grandes choses, c'est la soif. Oh bien aimé, c'est très important. Quand vous écoutez des paroles comme ça, même la vie change, la façon de réfléchir change. Et quand vous avez soif, vous n'êtes plus découragé, vous dites non, je vais avancer encore. Et si j'ai bonne mémoire, il n'y a pas que les jeunes qui ont soif. Les bébés ont soif. Les mamans ont soif. Les papas ont soif. Les jeunes ont soif. Même les personnes âgées ont soif. Même les animaux ont soif. Tout ce que Dieu a créé a une soif. Même la terre a soif. Donc la terre aussi a besoin de voir le miracle. C'est pourquoi Romains 8 nous dit que la création soupire et attend la révélation des enfants de Dieu. Donc il a donné quelque chose d'extraordinaire, de très important, que ta soif va déterminer ton miracle, va t'amener à une autre dimension dans la vie. Alors là, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est toute l'église, c'est nous tous, c'est tout le monde à tous les niveaux. Il n'y a pas que les chrétiens, musulmans, païens, tout ce que vous voulez. Ce sont des choses importantes qu'il faut connaître. Donc je nous encourage, travaillez sur vos réseaux sociaux, travaillez avec l'église, et que demain nous puissions être là. Je te bénis vraiment, prophète Kevin. Continue à travailler avec le Seigneur. Que Dieu te reste encore davantage fidèle et qu'il t'ouvre encore des portes et des portes. Nous nous tenons debout, nous sommes arrivés à la fin. Nous levons nos mains. Seigneur, merci pour cette grâce merveilleuse. Ta parole ne sort jamais en vain. Un prophète ne passe jamais quelque part en vain. Je le crois, Seigneur. Même quand Samuel devait aller oindre David, il savait que ce n'était pas en vain. Oh, merci Seigneur pour les grâces dans cette église. Ce n'est pas en vain que tu aies choisi ce moment-ci. Je suis convaincu, je le crois. Il y a des choses qui sont déclenchées dans le ciel. Je bénis cette grâce. Je bénis tes enfants. Je bénis l'église. Que ta grâce soit au milieu de nous. Bénis ton peuple. Renouvelle tes serviteurs. Ouins-les encore davantage. Merci Seigneur pour ta fidélité. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons amen en acclamant très fort pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.